Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres Junior 2A de Robert Ladd. Impliquée dans toutes les communautés de la MRC du Domaine du Roy, la Caisse vous invite à suivre ses nombreuses promotions sur sa page Facebook et à rencontrer ses professionnels pour tous vos projets, peu importe l'ampleur. Bonne saison 2016-2017 au Sabres Junior 2A de Robert Ladd. Sport routier en toute sécurité. Les autobus Véro, des gens à contacter. Nous offrons le transport de 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-769-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances aux Sabres de Robertval. Et très heureux de commanditer la chronique de l'instructeur-chef, Jason Lajeunesse. On va parler des sabres de Robertval avec notre ami Jason Lajeunesse, les sabres qui ont perdu la semaine passée. Salut Jason! Salut Danny! Jason, oui, vous aviez perdu par le pointage de 5-2 cette fois. On a perdu 5-2 là, contre les Saguenay de Chicoutimi à Chicoutimi là, vendredi soir dans le seul match qu'on a joué de la fin de semaine. Okay. 5-2, c'est sûr que le cinquième but de Chicoutimi était dans un filet désert. OK. C'est 5-2 parce qu'on score, on perd par 3, mais c'est pas vraiment ça. Donc, si on y allait avec l'allure du match, es-tu quand même content de. Tu es content vraiment? Ouais, oui, on était. Regarde, après une période, c'était 0-0. Après deux périodes, c'était 1-1. On était dans le coup, là, jusqu'à la fin. C'est jusqu'en troisième période, là. Les autres ont eu des bons chanceux que nous, on n'a pas eu. On a frappé des poteaux. On a manqué des filets ouverts. Tu sais, qu'à la POC, elle veut pas rentrer. Elle veut vraiment pas rentrer. Donc, tu sais, c'est ça. On court après nos buts, puis l'autre équipe, ben, ils ont une chance de marquer, puis ils la mettent dedans. Nous autres, on en a une dizaine, puis on n'est pas capable de la mettre dedans. C'est un peu l'histoire de notre saison, mais au moins on est là, puis on. Ben oui. On donne l'ardeur, on donne la difficulté là, aux autres équipes à jouer contre nous autres, ça, c'est sûr et certain. OK. Dans ce match-là, on a été que Thomas Tremblay, Frédéric Simard ont compté les buts pour les Sabres. Oui. Donc, et deux passes pour Tommy Lavoie. Là, maintenant, c'est le tournoi en fin de semaine, donc à Alma, c'est un tournoi que tout le monde est obligé de participer. C'est le gros tournoi de la région. Donc, comment tu vois ça? C'est sûr qu'on est obligé, mais si on est 5 équipes dans la ligue, puis par rapport au tournoi, là, il y a 10 équipes. Donc, c'est sûr qu'il y a 5 équipes de l'extérieur, là, dans le tournoi. C'est sûr que nous autres, on commence notre tournoi jeudi soir, là, contre Alma. Après ça, vendredi contre la Belle Chasse, puis samedi contre Monteuil. Okay. Donc, c'est sûr que les Belle Chasse, là, c'est l'équipe, selon moi, là, qui va être l'équipe à battre durant le tournoi. Et une équipe qui joue dans la Chaudière-Appalaches, là. Dans la région de Québec. Donc, c'est sûr que c'est une grosse équipe. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, qui en a un peu, là, si on regarde les stats, là. Okay. Sur le classement à POC, là. Mais c'est quoi que ça veut dire, ça, on sait pas. La ligue est-tu forte comme la nôtre? On a quand même une ligue qui est assez forte, là, nous. Ben oui. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 5 équipes, là. On peut causer des surprises, je pense, dans ce tournoi-là. On a rien à perdre, là. On va là, on recommence tout à zéro, un tournoi, là, la saison veut rien dire, puis. On arrive là. C'est ça, s'agit qu'un performant, un gardien garde sa tête, puis ça change toutes les données. Là, garde plus que sa performance, puis là, ça augmente vos chances. Là. Ben, tu vois, un but ou deux chanceux de notre côté, puis ça redonne la confiance à tout le monde. C'est pas trop long à changer de côté dans le junior. Là. À virer de bord, c'est pas trop long. C'est sûr que nous, on est gonflable. On veut causer la surprise dans le tournoi. T'sais, c'est sûr que nous, on arrive là dernier au classement dans notre région. Au classement à POC, on est très, très loin. Mais on veut causer la surprise. Je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager le tournoi. OK. Donc, est-ce que la plupart de tes joueurs vont venir? Ça, c'est la question. Il y a toujours du travail. C'est la réalité du junior. Est-ce que tu vas pouvoir compter sur un alignement pratiquement complet? Il y a peut-être juste là jeudi soir, vendredi soir, c'est les journées de travail là, pour les joueurs. Ouais. c'est plus difficile. Mais on va être capable là, d'amener entre 18 et 19 joueurs là, à tous les matchs là, pendant le tournoi. Donc, on devrait avoir quasiment un line-up full. Donc, on ne se plaindra pas de ce côté-là. Ben, c'est sûr. Donc, Jason, on s'en reparle. Le premier match est demain, c'est ça? Jason? Oui, demain. Demain, donc, on va mettre l'entrevue en ligne aujourd'hui, donc jeudi, donc c'est ce soir, autrement dit, là. Parce que l'entrevue sera en ligne jeudi. Ouais. Donc ce soir. OK. OK, ouais, c'est sûr que c'est. Ouais. Ouais. Ben, Jason, on s'en reparle la semaine prochaine. Oui, voilà, donc c'était le commentaire de Jason Lajeunesse.